L'historien Aurelius Prudence, au IVe siècle, a parlé de l'Empire romain en ces termes. Quel est le secret de la destinée historique de Rome? C'est que Dieu veut l'unité du genre humain, puisque la religion du Christ demande un fondement social de paix et d'amitié internationale. Jusqu'ici, toute la terre a été déchirée de l'Orient jusqu'à l'Occident par une lutte continuelle. Pour dompter cette folie, Dieu a enseigné aux nations à obéir aux mêmes lois et à devenir toutes romaines. Maintenant, nous voyons les hommes vivre comme les citoyens d'une seule cité et comme les membres d'une même famille. La paix romaine a préparé la voie à la venue du Christ. Fin de citation. Ce n'est pas sans raison que le Christ soit venu au monde exactement à cette époque. Dieu, dans sa sagesse et sa prescience parfaite, avait préparé toutes ces choses. Jésus a dit aux apôtres, c'est-à-dire à son Église, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a fondé son Église et il a dit qu'il traverserait les siècles avec elle jusqu'à la fin du monde. Acte 5, 34, « Si cette œuvre ou cette entreprise vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. » Alors l'Église est là et elle y est pour y rester. Jean 15, 16, Jésus dit « Je vous ai choisi et je vous ai établi ». Établir signifie asseoir, baser, fixer, fonder, instituer, organiser. Établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. En instituant les apôtres, le Christ a jeté les bases d'une Église qui serait une organisation à demeure. Vous voyez, il n'y a aucun mot dans les évangiles qui ne veut rien dire. Tous les mots sont importants et remplis de signification. Mes frères évangéliques, c'est le Seigneur qui a fondé l'Église catholique. Israël est son fils et l'Église est sa fille. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Le témoignage de l'histoire est là. J'ai tout placé devant vos yeux et le choix de Dieu est clair devant la face du monde entier. 2000 ans après sa fondation, elle se tient encore debout. Tandis que des centaines de milliers de petites églises rebelles qui naissent et qui meurent du soir au matin partout dans le monde prouvent qu'elles n'ont pas eu longtemps l'approbation du Seigneur. Les apôtres n'ont fondé qu'une seule église. On est d'accord là-dessus? Des papes ont pris de mauvaises décisions durant l'histoire, c'est vrai. De même que les rois d'Israël ont pris de mauvaises décisions également. De même que vos pasteurs en prennent quelquefois également. Dieu a-t-il rejeté son peuple pour autant? Non. Dieu a-t-il rejeté son Église pour autant? Non plus. Étonnamment, l'Église catholique, rien n'a pu la détruire en 2000 ans, et chaque année, des centaines de petites églises protestantes ferment leurs portes. Jacques Guillermin, en 1892, a écrit « L'Église me paraît être comme une enclume. Non seulement ce n'est pas un instrument propre à donner les coups, c'est un instrument propre à les recevoir. Mais Dieu l'a si fortement trempée qu'elle use les marteaux qui la frappent. Et plus les coups sont durs et pressés, et plus vite le marteau est brisé. » Fin de citation. Alors l'Église est une formidable enclume qui a usé tous les marteaux. Martin Luther avait prophétisé que l'Église serait jetée par terre durant sa génération. Martin Luther est mort et l'Église est encore debout. Martin Luther annonça que de son vivant, l'Église allait tomber et disparaître, mais cela n'arriva jamais. Christ n'a pas fondé son Église pour la laisser glisser entre les mains du diable, ce n'est pas vrai. Il l'a gardée tout au long des siècles et il la gardera jusqu'au dernier jour, jusqu'à son retour. Si le diable pouvait s'emparer de l'Église, cela voudrait dire que le Christ a failli à sa mission et que le diable a été plus fort que lui. Je ne peux pas accepter ça. Ne dites pas que l'Empire romain a été plus fort que l'Église. Toutes les données historiques que j'ai placées sous vos yeux, et 10 fois plus encore, confirment tous que c'est l'Église catholique qui a renversé et vaincu le paganisme romain et non l'inverse. J'attire également votre attention sur un détail important. Christ a dit « Je bâtirai mon Église » au futur. Ce qui signifie qu'il y aurait des développements dans l'avenir. L'Église du Christ à Jérusalem n'était qu'à l'état d'enfance. Après sa mort, le Christ allait continuer de bâtir son Église, car l'œuvre n'était pas achevée, elle ne faisait que commencer. C'est à travers les apôtres que Christ a continué son œuvre d'établissement de l'Église. Paul lui-même a écrit « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Mais est-ce que les apôtres ont terminé ce que le Christ avait commencé? Non. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'Église primitive. L'Église primitive est une expression bien choisie et qui prouve que l'Église est un organisme vivant, premièrement, et en continuelle croissance. L'Église était encore en construction après la mort des apôtres. Jésus a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des apôtres. » Non, mais jusqu'à la fin du monde. En moins de 4 siècles, l'histoire éprouve un sentiment de surprise comme devant un phénomène dont on ne s'explique pas. Le grain de sénevé jeté dans la pauvre terre de Palestine par un prophète errant avait, selon sa promesse, pris les dimensions d'un arbre immense où tous les peuples du monde sont venus s'abriter. C'est l'Église catholique qui a accompli cette prophétie, rien d'autre. Le fait que l'Église de Rome soit la seule qui tient encore fermement debout après 2000 ans d'existence, ceci n'est rien de moins qu'un miracle et la preuve incontestable de la victoire de Dieu sur le diable. Dieu a fait un choix. L'Église de Rome est la verge d'Aaron qui a fleuri, elle et aucune autre. Si le Seigneur agit dans quelques groupements évangéliques protestants, c'est uniquement par condescendance, par amour, par bienveillance et par égard à l'ignorance. Que ce soit par le biais de n'importe quelle église, lorsqu'il y a une âme bien disposée quelque part, le Seigneur se sert de tout pour sauver cette âme. Les différentes églises évangéliques aujourd'hui tombent dans la catégorie dont Jésus a parlé en Luc 9, 49-50. « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. »« Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Les raisons pour lesquelles cet homme ne suivait pas les disciples nous échappent, peu importe. Marc 9, 40, Jésus dit « Il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. » Le Seigneur accordait même le don des miracles à cet homme, qui n'était pas de ses disciples immédiats, qui n'était pas dans son Église. Aujourd'hui, nous voyons des groupements que Dieu utilise, mais qui ne font pas partie de l'Église. Pourquoi? Parce que le Seigneur accorde son onction à tous ceux qui aiment et honorent son nom. Jésus savait qu'il y en aurait dans le futur, des gens qui croiraient en lui, mais qui n'appartiendraient pas à son Église. Dieu allait même distribuer les dons des miracles à ces personnes. Non parce qu'il approuve les sectes, mais parce que Dieu est toujours du côté de ceux qu'il aime. Tous ceux qui aiment Dieu sont aimés de lui en retour, même s'ils ne sont pas au centre de sa volonté. Les anciens Romains, toujours friands d'absurdités malveillantes, disaient n'importe quoi des premiers chrétiens pour se donner le droit de les persécuter. De même aujourd'hui, les protestants mal instruits disent n'importe quoi de l'Église de Rome et ajoutent foi à toutes sortes de théories du complot pour l'accuser d'entraîner le monde dans la perdition. Moi, je dis aveuglement, idiotisme, inculture, naïveté, obscurantisme et simplicité d'esprit. L'anticatholicisme est également calqué sur l'antisémitisme. C'est le même esprit malin et malveillant qui opère et inspire des peurs mal fondées aux esprits crédules et mal instruits. Les chrétiens évangéliques sont un petit peuple très peu instruit. Ce sont des gens dont on a abusé la confiance. D'habitude, ils croient tout ce qu'ils entendent de la bouche de leur pasteur, qui est généralement aussi mal instruit qu'eux. Ils vivent dans leur petite bulle et repoussent tout ce qui vient de l'extérieur. Mais le Seigneur aime leurs âmes et s'occupera d'elles toutes, envers et contre tout. L'Église durera toujours. Il n'est pas nouveau parmi les ennemis de l'Église d'entendre la prédiction de son décès. Voilà déjà 1600 ans, saint Augustin les a ainsi décrits. Ils disent qu'il va mourir et bientôt il va disparaître. Il n'y aura plus de chrétiens, ils ont fait leur temps. Et pendant qu'ils disent cela, je les vois mourir tous les jours tandis que l'Église demeure toujours debout, annonçant la puissance de Dieu à toutes les générations. Fin de citation. Les divers empires d'Assyrie ont duré un peu plus de 200 ans. Celui d'Alexandre, la vie d'un homme. Celui de Rome, 4 siècles et demi. Socrate est détrôné par Platon, Platon par Épicure. Au gnosticisme succède l'arianisme, à l'arianisme le pélagianisme, au pélagianisme le manichéisme vaudois, à celui-ci le protestantisme dont un jour l'histoire parlera comme d'une erreur tout aussi finie que les précédentes. Voilà comment s'écroulent les œuvres des hommes. Arrivé à la fin de notre série, mes amis, il a été établi une fois pour toutes que l'Église de Rome est bel et bien l'Église du Christ et la descendante directe des chrétiens de la Bible et de l'Église que les apôtres ont fondée. Porter l'Évangile, assainir les mœurs du monde, être sa conscience et travailler à la paix entre les nations, voilà le but de toutes les activités de l'Église sur la terre. Le christianisme vient de Dieu. Il est la religion authentique et définitive de l'humanité terrestre. Au cours des siècles, l'Église a commis des erreurs. Tout comme en Israël, il y eut de bons et de mauvais rois. Dieu a-t-il rejeté Israël pour autant? Non. Dieu a-t-il rejeté son Église pour autant? Non plus. Dieu n'a pas rejeté Israël et il n'a pas rejeté son Église, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. En Matthieu 13, 49-50, Jésus dit « À la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors, le jugement appartient au Seigneur. Faut-il rejeter la faute sur les apôtres, le fait qu'il y avait un traître parmi eux? Aurait-il été juste de jeter des pierres à la tête des autres apôtres quand Judas s'est révélé comme voleur et traître? Non. Car chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, dit l'Écriture. Ainsi en sera-t-il des membres du clergé qui ont commis des abus. Ainsi, l'Église reste une institution sainte aux yeux de Dieu, même si certains de ceux qui la représentent en ont été indignes. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel, nous dit l'Écriture. Le Christ a dit « Je bâtirai mon Église » et ce que Christ a fondé, personne ne peut le renverser. À mes frères protestants, je dis, mettez un frein à vos lèvres, ne perdez pas votre temps. Que vos lèvres soient la prison de votre langue, a dit un homme sage. Car le Christ a solennellement dit, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole mauvaise qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Amen.